J'étais sûr que tu m'as reconnu parce que bon, j'ai un truc à sans ma voix quand même. Christopher, là-dessus, tu lâches la plume un peu. Voilà, c'est bon, faut y aller là, on arrive là. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Sans pantalon.